Micro ouvert. On a pris l'initiative en juillet d'organiser un cycle de 3 événements sur la gentrification. La première chose qu'on a fait, c'était le 10 octobre. On a projeté un film sur Saint-Gilles, sur le processus de gentrification là-bas. Hein. La deuxième truc, c'était une formation basée sur le livre de Mathieu Van Kirkingen. Et Mathieu est présent et parmi nous aujourd'hui. On l'a fait il y a 2 semaines. L'idée, c'est de donner à des gens intéressés, à des gens qui habitent le quartier, à donner des éléments d'analyse, des éléments de compréhension, justement pas pour s'enrichir personnellement, intellectuellement, je veux dire, mais pour le mettre en pratique, pour lutter dans un certain sens contre la gentrification. Et la troisième truc qu'on a organisé, qu'on a planifié depuis les mois de juillet, août, c'est justement cette balade d'aujourd'hui. Je m'arrêterai là et je donne la parole à Claire Scoyer. Ok, j'ai oublié un élément. La présence de Graziella Van Loo. Elle est une journaliste de Radio Campus Bruxelles. Elle a fait une émission sur, entre autres, des trucs qui se passaient à Saint-Gilles. Et j'imagine qu'elle serait très intéressée à discuter sur ce qui est, pour le moment, dans l'actualité, ce qui se passe avec le plan de mobilité, le plan Good Move et la résistance contre ce plan. Je me réjouis aussi, et j'ai oublié ça de le dire, je me réjouis de la présence de plusieurs personnes qui ont été actives ici et qui restent actives à Anderlecht et peut-être aussi à d'autres communes. J'ai entendu qu'il y a des gens de Schaerbeek qui sont ici et qui ont aussi leurs questions sur le plan de mobilité là-bas. Deux trucs, Graziella est là justement pour faire des impressions, éventuellement faire des interviews. Hein, je continue avec présenter Claire Scoyer. Elle sera la guide de cette balade. J'ai oublié, dites. Moi, je peux juste dire un truc, c'est que c'est un micro, il n'y a pas d'image et c'est anonyme, vous voyez. L'idée, c'est vraiment d'entendre la pensée des gens. Basta, quoi. Je m'en fous de qui vous êtes, vous voyez, je ne sais pas. J'espère que, voilà. Enfin, donc aussi, du coup, est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Enfin, je veux dire, voilà. Pas de souci. Donc oui, bah merci Théo hein, d'avoir proposé, hein, c'est à ton initiative de faire ce parcours, parce qu'on a eu tout un débat sur l'utilisation du mot balade, parce qu'on voit de plus en plus dans des quartiers populaires des gens qui se baladent en quête d'on ne sait quoi. Donc voilà, donc ici c'est de parcourir Kuregem pour pouvoir croiser ce qu'on observe sur le terrain, des décalages entre des discours, notamment des instances publiques, et ce que nous, on peut y observer. Donc aussi de partager nos savoirs à nous. Donc oui, on va dire, je suis la guide de la balade, mais je compte bien sur vous tous pour prendre la parole. Et donc la demande, le fil conducteur, c'était la gentrification. Entre-temps, évidemment, il y a eu tout... le débat autour de good move, bad move, donc forcément, de toute façon, ça fait partie du processus, donc on abordera forcément ce sujet au cours du circuit, qui durera environ 2 heures. Après, c'est pas une boucle, donc je préfère vous prévenir, on va terminer du côté du quartier Evart, du quartier du canal de la porte de Ninov. Donc voilà, après, enfin, c'est pas très loin, hein, donc ça devrait aller. On a aussi avec nous Mathieu Van Kirkingen, qui est l'auteur du livre Contre la gentrification, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui est professeur à l'IGEAT en géographie humaine. Mais voilà, parce qu'il peut nous aider aussi parfois à dépatouiller des réalités de terrain par rapport à ce que, tiens, mais comment ce qu'on appelle la gentrification, parce que c'est conceptuel, la gentrification, donc comment elle se déploie concrètement Il y a des choses très claires qui apparaissent dans la tête des gens. Ah oui, la gentrification, c'est chasser les classes populaires. Oui, mais concrètement, sur le terrain, est-ce que c'est juste l'augmentation des loyers? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que les pouvoirs publics y contribuent? Ben voilà. L'idée, c'est d'aborder aussi toutes ces questions-là. Alors, j'ai décidé de partir d'ici. Je ne sais pas si, pour vous, quand on est ici, on est à Kureghem. On est entre les deux. Entre les deux... Saint-Gilles, Anderlecht. On est à cheval. Oui, effectivement, il y a le tracé entre Saint-Gilles. Il traverse le terrain vague, là, la frontière entre les deux communes, Saint-Gilles et Anderlecht. Et donc, tu as raison quand on parle de Kureghem. Kureghem, ce n'est pas un quartier, c'est un territoire qui rassemble plusieurs quartiers, donc plusieurs réalités très différentes. Mais souvent, les gens pensent que Kureghem, c'est là-bas et pas ici. Et en fait, Kureghem commence ici et s'arrête au canal. Et va jusqu'à ce qu'on appelle Bistebroek, c'est le démarrage de la rue Wayer, et jusqu'à le boulevard de ceinture du Pentagone. Donc quand on dit Kureghem, c'est à la fois un morceau de Saint-Gilles, un morceau d'Anderlecht, un morceau de Molenbeek aussi. Donc c'est un territoire assez vaste. Après, c'est un territoire historiquement qui, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, a toujours joué le rôle de terre d'accueil. En fait, toutes les populations migrantes, mais donc plus une migration socio-économique, je vais dire, par le bas, qu'une migration socio-professionnelle, comme on va dire à Bruxelles, mais évidemment à cause, ou grâce, diront certains, mais des institutions européennes, de l'OTAN, de grandes institutions financières, etc. Il y a évidemment tout un public qui arrive ici, mais il y a aussi bon, une migration, on va dire, socio-économique par le bas, des gens qui viennent ici pour chercher plus dans un mode de survie et de subsistance. Et beaucoup de migrants, depuis la fin du 19e siècle, arrivent à Kureghem. Pourquoi ? Oui, la gare, c'est un bon élément. En fait, la gare, elle s'est déplacée avant d'arriver ici. Et il y a eu plusieurs vies à la gare du Midi. Mais en tout cas, elle arrive bien fin du 19e siècle. Donc c'est un élément. Forcément, si vous avez une gare, ça crée... du flux de personnes et ça crée l'arrivée autour d'activités économiques, de petits entrepreneurs, d'artisans, etc. Donc c'est sûr que l'arrivée de la gare dans le quartier va contribuer à l'arrivée de populations migrantes. Et un autre élément qui fait partie aussi du territoire de Kureghem qui débarque la fin du 19e au même moment. Vous connaissez sans doute tous. Le canal, il était déjà là, mais de fait, il y a deux vies au canal. Il y a le premier versant vers Anvers, hein, ça c'est le 16e. Et puis effectivement, en 1832, on continue vers Anderlecht. Donc le canal, et effectivement, les entreprises vont s'installer autour du canal, transport de marchandises, etc. Mais le canal, ça traverse toute la région bruxelloise. Et donc je pensais à un truc qui est vraiment spécifique à les abattoirs, voilà. Ils sont arrivés en 1890. Et donc, il y a toute une série d'entreprises qui vont s'installer là. Et c'est l'industrialisation. Et donc, des populations vont arriver. Mais d'abord, c'est les Flamands qui vont arriver. Et puis après, il va y avoir les Italiens, les Espagnols, les Marocains, les gens d'Amérique latine. Et puis après, plus récemment, les gens des pays de l'Est. Et puis, la dernière commune... Enfin, beaucoup de Roumains sont arrivés dans le quartier. Et la dernière communauté auquel on pense, en fait, ce sont les Syriens. Il y a énormément de Syriens particulièrement qui sont venus s'installer à Kureghem. Et donc ils arrivent là parce qu'ils vont y trouver du travail, du logement, et puis aussi un réseau communautaire, parce qu'ils vont trouver d'autres personnes qui ont fait le même parcours qu'eux, et que donc ça te donne une certaine solidité. Et puis l'avantage de Kureghem, avant qu'on bâtisse Kureghem, les gens pensent à un territoire assez éloigné dans ce qu'on appelle la fameuse carte mentale, alors qu'en fait c'est très central, c'est un quartier, près aujourd'hui de ce qu'on appelle la gare TGV, près du centre-ville. Quand vous êtes à Kureghem, vous êtes vraiment, finalement, en plein cœur de Bruxelles. Et cette centralité donne aussi une force. Donc, c'est un avantage. Le problème, c'est que cet avantage, pour des populations plutôt précarisées, à un moment donné, va être aussi perçu comme un avantage à d'autres niveaux. Et donc, plus comme un avantage d'opportunité foncière, une attractivité. Et donc, c'est à ce moment-là que des personnes qui sont quand même plutôt précaires et qui peuvent encore vivre dans le centre-ville vont se retrouver confrontées et mises en concurrence avec d'autres types d'activités et d'autres types de populations. Et donc ça, on y reviendra tout au long du parcours. Mais donc en démarrant ici, on est vraiment en bordure du territoire qu'on appelle Kuregem. Bon, après, en même temps, c'est la fameuse gare du Midi. Je vous dis, elle est arrivée ici fin du Xe siècle. Vous pouvez imaginer que le quartier a fortement changé depuis. Si vous regardez autour de vous, je ne sais pas, les bâtiments que vous voyez là, à votre avis, ils datent de quelle période ? 2004, je suis bâtiment. Exactement. Comment vous avez ça, Zéra ? Je travaille dedans. Madame a tout à fait raison. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il y avait là avant ce bâtiment, qu'on appelle le bloc 2, et où il y a effectivement toute une série de fonctions publiques liées aux pensions, à l'emploi. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ce bâtiment. On disait toujours, à la gare du Midi, ça sent le chocolat. En fait, là, vous aviez les entreprises Côte d'Or. Donc, on voit que ça a fortement changé. Et ce basculement, il s'opère vraiment à partir de la fin des années 90 et début des années 2000. Et à votre avis, pourquoi il y a un basculement à ce moment-là ? Parce que je vous dis, la gare TGV, ça arrive dans les années 90. Et donc, à ce moment-là, un quartier qui était finalement relativement... qui mêlait du résidentiel, mais très, très accessible, avec beaucoup de communautés migrantes installées, beaucoup de petites entreprises, horeca. Donc, sur le terrain vague, là, c'était une imprimerie. Côte d'Or a déménagé au début des années 90. Et à l'arrivée de la gare TGV... on voit ça aussi dans d'autres villes si vous voyagez. Quand vous arrivez dans une gare TGV, soit vous êtes dans un no man's land, parce qu'on les construit souvent comme ça, boum, au milieu de rien, ou sinon, autour, ça modifie complètement le quartier. Et il y a une spéculation énorme qui va s'enclencher dans le quartier. Il va y avoir un gros bras de fer, plein de bagarres, entre d'un côté la SNCB. En fait, la SNCB est un énorme propriétaire dans le quartier. Notamment une bonne partie de tous les bâtiments que vous avez du côté de la rue Barra, de la rue de France, etc. Mais aussi côté Foncenis. C'est vraiment, elle a plusieurs centaines de milliers de mètres carrés en propriété. D'ailleurs, ce terrain-là où il y avait Côte d'Or a appartenu à la SNCB avant d'être revendu. Plein de gros promoteurs. En fait, il y a plein de gros promoteurs dont vous entendez peut-être parfois parler, qu'on appelle Athénor, Bézix, Immobel. Tous ces promoteurs, ça va devenir un vrai jeu de Monopoly, vont commencer à essayer d'acquérir des parcelles, et parfois des parcelles qu'ils vont racheter à la SNCB elle-même. Mais non seulement d'un côté la SNCB, les promoteurs, mais la région elle-même et les deux communes, Saint-Gilles et Anderlecht, vont se mettre aussi à spéculer sur ces terrains. Et donc vraiment, à partir des années 90, ici, ça devient vraiment... un vaste monopoly. Et donc, le quartier va complètement changer. Après, on voit que tout n'est pas modifié. Si vous allez ici derrière, il y a ce que les gens appellent souvent la réserve d'Indiens. Il y en a qui appellent ça. Je sais pas si vous voyez tous les petits cafés, restaurants, etc., espagnols, portugais. Il y a des gens qui appellent ça la réserve d'Indiens. Il faut savoir que ce triangle, à un moment donné, a failli être... On appelle ça la réserve d'Indiens. Oui, parce que... Bravo, de mieux en mieux. Après la balade, la réserve. C'est bien, c'est bien. Et parce qu'ils ont failli être dégommés, en fait. À un moment donné, il y avait un projet qui visait à tout raser. Et puis, de fil en aiguille, maintenant, l'îlot est même protégé d'une certaine façon. Dans aucun plan d'aménagement, cette partie-là, à l'heure actuelle, n'est supprimée. Ce qui n'empêche pas la spéculation autour. D'ailleurs, l'économat espagnol déménage alors qu'il est là depuis... depuis des années. Donc, on voit ici côté gare du Midi, donc Kuregem est par là. Donc, toute la pression qui est liée à la gare du Midi et au développement aux alentours de la gare du Midi. Et puis, de l'autre côté, Bistebrook. Bon, je croyais que Bruno serait là, mais je ne le vois pas, qu'il y a un habitant de Bistebrook. Mais si lui avait été là, il vous aurait expliqué qu'il y a d'énormes projets immobilier aussi de ce côté-là. On annonce 15 000 nouveaux habitants, ce qui est énorme. Et c'est des projets immobiliers privés. Ce sont de nouveau les mêmes promoteurs que vous allez retrouver à la manœuvre, à savoir Athénor, Immobel, BPI. Donc on peut dire que le quartier, il se retrouve un peu comme pris en tenaille. Après, en allant à l'intérieur, on va voir que tout n'est pas perdu. Mais je voulais me rendre vers le terrain vague qui est là. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux dire quelque chose. Bon, on va aller vers... Pour prévoir un moment que les gens dans le lift étaient morts au bout. Non, non, mais c'est prévu. Non, non, mais t'inquiète. Chacun s'exprime. J'ai dit quand vous voulez, à tout moment. Mais je pense qu'il y a... Un petit peu de coller, hein. Désolée. Oui, oui. Tu vois, je pensais au Square Taker où il y a eu tous les plots de béton retirés, que c'est un super endroit pour parler, entamer le débat là-dessus, quoi. Oui, oui, oui. Bah, après, vous intervenez quand vous voulez. Revenir sur le nouveau plan d'aménagement quartier midi. Mais je vais en parler. Ah ben, enfin, je t'ai dit dans le mail que j'en parlerai, donc ouais, t'inquiète. Ouais, ouais. Okay, et si vous avez des choses à dire à propos non, de non, ça... Non, c'est vous... comme ça, il y a des... Oui. Je vois que tu me colles avec ta moumoute. Ça va? Non, non, ça mais va. Mais ça aurait été chouette, Claire, hein, oui. Que tu te présentes un peu aussi au groupe, mais ils savent tous qui tu es, en fait. Oui, je me demande d'où oui, tu parles. Oui, je peux le dire rapidement. Oui. D'où tu parles? C'est vrai que j'ai oublié dans le... Qui tu es? D'où tu parles, quoi? C'est quoi ta... D'où tu sais tout ce que tu sais, en gros? D'accord. Oui, voilà, Graziella me faisait remarquer, je ne m'étais même pas présentée, quelle malpolie je suis. Parce que on a dit mon nom, mais je travaille à Inter-Environnement Bruxelles. Bon, je crois que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais voilà, néanmoins. Donc Inter-Environnement Bruxelles, c'est une fédération de comités de quartier qui existe depuis les années 70, qui a connu une vie comme ça, à tous les points de vue, dans le sens, ça a été une structure... À un moment donné, voilà, au départ bénévole et militante, puis après avec des subsides qui s'est adouci, puis qui a quand même tenté de garder un peu de subsides, mais qui s'est un peu réveillé. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, elle défend l'idée du droit à la ville, donc le droit à rester en centre-ville, ce qui suppose notamment le droit de pouvoir encore payer son logement, ce genre de choses, ou de pouvoir y travailler. Il se fait que depuis 2014, si je ne me trompe pas, oui. On est installé en plein cœur du quartier de Kerugem, ce qui fait que, du coup, forcément, même si on travaille à l'échelle de toute la région bruxelloise, ça nous a poussé à nous préoccuper à ce qu'on observait et qui était quand même assez des transformations assez visibles dans le quartier. Ah, ben voilà, et donc arrive d'ailleurs sur ces entrefaits Ben qui, lui, travaille à l'Union des locataires d'Anderlecht, qui travaille aussi dans le quartier. Depuis 30 ans, genre, tu vois, boum, voilà, c'était pour cette petite... Alors, pourquoi je voulais venir devant ce terrain vague? C'est parce que c'est un terrain vague qui a connu beaucoup de vicissitudes, si on écoutait le promoteur qui a racheté ce terrain. Donc ici, vous aviez une imprimerie qui était à côté des usines Côte d'Or. Et le promoteur Athénor a racheté ce terrain avec BPI en 2007. Athénor, c'est le même promoteur qui a construit Upsite. C'est cette fameuse tour de logement de luxe que vous avez en face de Tour et Taxi. Maintenant, on la voit de partout. Quasi quand vous circulez dans Bruxelles, de loin, vous ne voyez plus qu'elle. Et la tour de midi. Elle est beaucoup plus ancienne. C'est 1967, la tour du midi. Elle fait 150 mètres de haut. Je vous dis ça parce qu'en fait, ce qui va se passer là, l'idée du promoteur, quand il a racheté la parcelle, c'était de construire aussi haut. Pas plus haut, mais aussi haut. Ça, c'était ses projets de départ. Mais donc, on est en 2007. Là, on est 15 ans plus tard. Et donc, c'est là qu'on voit que les transformations annoncées, heureusement, ne se font pas non plus toujours. Et donc, l'idée du parcours, c'est aussi de parler des modes de résistance. Donc, Athénor achète cette parcelle et se dit, quartier de gare, TGV, machin... on va construire du bureau. Et en plus, donc, avec la petite touche environnementale, en disant, bah, construire du bureau, ça veut dire que les gens vont venir en train. Donc, voilà, c'est très vert, c'est très climat-friendly, etc. Donc, Athénor dit ici, trois tours. Son projet, c'était pas de faire qu'une tour, il voulait faire trois tours de bureaux, dont la plus haute allait être aussi haute que la tour du Midi, donc à 150 mètres. C'était 100 000 mètres carrés de bureaux. Il faut savoir qu'au moment où il parle de ce projet, on a déjà 13 millions de mètres carrés de bureaux en région brusquelloise, ce qui est énorme. En fait, on est, après Zurich, en Europe, la ville où il y a le plus de mètres carrés de bureaux par tête d'habitant. Donc, c'est pas rien. Et qu'au moment où il propose ce projet, il y a 2 millions de mètres carrés de bureaux vides. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même eu... les pouvoirs publics sont un peu intervenus pour limiter les extensions. Mais donc, lui, dans ce contexte-là, dit « Ah ben voilà, je vais faire mes 100 000 mètres carrés de bureaux. » Après, à quoi il pense, lui? Il se dit ben, « Il y a la SNCB ici, et la SNCB, elle sera preneuse de mes bureaux. » Donc, il se dit, ben voilà, en plus, j'ai un preneur idéal, mes bureaux. Il faut savoir que dans le quartier, il y a 300 000 mètres carrés de bureaux qui ont été construits en 15 ans, mais à un prix énorme. Parce que, quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de spéculation à tous les niveaux, par la région, les deux communes, les promoteurs. Ça s'est terminé avec l'expulsion de 600 habitants de l'autre côté de l'avenue Foncenis. Je vous conseille de regarder le film de Gwenaëlle Bray, qui s'appelle « Dans 10 jours, dans 10 ans » et qui raconte toute cette opération. Et qu'à la place des habitations qui étaient là, on a construit ces 300 000 mètres carrés de bureaux. Donc, forte spéculation à tous les niveaux. Et donc ici, Athénor, avec ce projet-là. Et puis, au fur et à mesure, ce projet... va être freiné. Il y a une forte résistance des habitants. Ils vont notamment les habitants qui habitent là, ce qu'on appelle les immeubles du Lombard. Vous avez la tête de Tintin au-dessus, ah, parce que c'était les éditions du Lombard, donc c'est pour ça. Elle n'est plus là, la tête de Tintin. Ah si, elle est toujours là. Elle est classée, donc elle peut. Ils pouvaient tout bousiller, sauf la tête de Tintin. En gros, c'était ça. Oui, mais je veux dire, elle est classée. On peut pas donc. Et donc, les bureaux, comment ils ont été envisagés, ils collaient complètement aux habitations qui étaient là. Donc, ce groupe va se constituer et dire, bon, on va, comme le nom de la tour, c'était Victor, ils se sont appelés Dark Victor, en disant, bon, on va habiter à l'ombre de Victor. Et donc, vous voyez partout des autocollants Dark Victor, il y avait des banderoles, pétitions, machin, etc. Et donc, de fil en aiguille, le projet va connaître une évolution. La région disait à Athénor, oui, mais nous, on voudrait que vous construisiez quand même du logement et pas que du bureau. Aussi parce qu'elle voyait qu'il y avait quand même pas mal de bureaux vides, etc. Et puis qu'à côté d'une gare TGV, avoir du logement, bon, ben, c'est pas mal aussi. Donc, et Athénor, lui, il ne voulait pas construire du logement. Parce que quand il a construit Upside en face de Tour et Taxi, il s'est rendu compte qu'il avait un mal fou à revendre son logement. Ça a traîné sur des années. Et en fait, il a surtout vendu à des investisseurs et pas du tout à des habitants. Et encore aujourd'hui, il y a régulièrement, si vous allez sur ImmoWeb, c'est passionnant d'aller sur ImmoWeb, vous allez voir qu'il doit réduire le prix. Enfin, les gens ont du mal, en fait, à se refourguer le montant, la valeur de ces appartements. Et donc, ce projet va évoluer. Donc, la région va dire, mais vous devez faire aussi du logement. Athénor ne voulait pas. Il dit, il faut d'abord que le quartier change. Pour que soient attirées des personnes pour acheter au prix que moi je voudrais revendre ces logements. Et donc aujourd'hui, à force d'être revu, le plan n'est pas complètement abandonné, mais donc ce n'est plus 100 000 mètres carrés de bureaux, mais 40 000 mètres carrés de bureaux, et qui sera assorti d'une centaine de logements, mais qui seraient des logements City Dev. Alors, je ne sais pas si ici, il y a des personnes qui voient ce qu'on appelle les logements City Dev. Avant, c'était Gump. Gump, on est l'angle. Oui, maintenant, c'est devenu City Dev. Oui. Ça veut dire quoi? Mais vous expliquez, c'est quoi les logements? C'est des logements qui sont un peu subventionnés, je crois, et qui... Donc, on peut se mettre sur une liste d'attente pour acheter ça quand on n'a pas d'autres propriétés. Mais madame a pas une forte voix, je crois. Donc, City Def, c'était avant Gomp. Et donc, on peut se mettre sur une liste d'attente pour pouvoir acheter un appartement à Bruxelles. Et je crois que le prix est 30% moins que le prix du marché. Mais la condition, c'est qu'on n'a pas d'autres propriétés, logements. Donc, on n'est pas propriétaire. Donc, c'est une possibilité de de pouvoir acheter un appartement moins cher. S'il vous plaît. C'est pour son propre habitat. Pour son propre habitat, oui. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Je réécouterai. Voilà, mais nous, on va réexpliquer parce que c'est important, cette histoire de CityDev. C'est au nom de la mixité sociale. Je ne sais pas, Mathieu, d'ailleurs, si tu peux parler de la logique de CityDev qui se déploie en région bruxelloise au nom de la mixité sociale, de la mixité dans l'accès au logement. Et comme ça, moi, je me repose aussi. Il y a plein de gens différents ici. Ouais, la mixité sociale, c'est un des arguments principaux que CityDev, donc Société de Développement pour la Région de Bruxelles, son nom officiel, mais CityDev, c'est son nom commercial, qui vend donc ses appartements 30% moins cher que le prix du marché, parce qu'il y a en fait, les 30%, c'est la région, c'est le contribuable bruxellois qui met la différence. Avec cette idée, il ne crée que ces logements-là dans les quartiers populaires, en fait. Dans l'idée que ça a amené de la classe moyenne dans les quartiers populaires grâce à une offre de logements neufs en acquisition, donc c'est à l'achat, et à un prix moins cher que le prix du marché. Après, c'est un argument tout à fait rhétorique, parce que dans les faits, la mixité sociale, c'est immesurable. Hein, on ne sait déjà même pas... ça part du principe que les quartiers populaires ne sont pas mixtes ou pas assez mixtes, ce qui n'est absolument pas prouvé déjà. Et quand on fait des estimations, on se rend compte que les quartiers les moins mixtes, c'est pas les quartiers populaires, c'est les quartiers bourgeois, c'est les quartiers les plus bourgeois, les moins mixtes. Mais donc c'est un concept savonnette et très consensuel. Tout le monde est pour la mixité. D'ailleurs, si vous êtes contre la mixité, si vous êtes pour le ghetto, la ségrégation, je sais pas quelle horreur. Donc vous êtes, c'est pour quoi. Donc c'est quasiment un critique. C'est comme une valeur morale en fait. C'est mettre en avant une valeur morale pour en fait arrêter de discuter des vrais enjeux de qui a accès, parce que même si c'est 30% moins que le prix du marché, c'est quand même. Il faut un emprunt à la banque, quoi. Il faut un emprunt à la banque. Il y a un plafond de revenus pour les logements CityDev, mais qui est très élevé. C'est-à-dire que pour l'accès au logement social, si on prend pour un ménage qui n'a pas une personne à charge, le plafond est autour de 26 000 euros, ton revenu net déclaré là est de 26 000 euros annuels. Pour du logement CityDev, le plafond il a près de 70 000 euros. Donc on voit que c'est vraiment une autre catégorie de population. Et puis acheter du logement, ça veut dire que vous avez, même si vous avez l'aide de 30%, ça veut dire que vous avez accès à l'emprunt d'une façon ou d'une autre, sinon on ne va jamais vous prêter. Or, qui a accès à l'emprunt ? Ça veut dire que vous avez quand même un revenu sans doute, un travail, etc. Donc, même si CityDev va dire, oui, mais même un allocataire social a accès à CityDev, puisque c'est un plafond par le haut, il n'y a pas par le bas. Donc, en soi, c'est ouvert à tout le monde. Mais si vous n'avez pas accès à l'emprunt, vous l'avez dans l'os, le logement CityDev, vous ne pouvez pas l'acheter. Or, on se rend compte que la production massive de logements dits publics en région bruxelloise à l'heure actuelle, c'est CityDev qui l'a produit. Et dans le même temps, le logement social, la part du logement social, elle régresse. Et donc, pour revenir ici dans le quartier, si on prend Saint-Gilles et Kureghem, il y a seulement 4% de logements sociaux. Enfin, je ne sais pas si vous rendez compte ce que c'est 4% de logements sociaux. C'est quoi ? Rien du tout. Oui, en région bruxelloise, on en a 7. C'est déjà assez indigent. Hein. Si vous allez dans la plupart des villes de la stature de Bruxelles, vous avez plutôt du 15, 20, 25, 30. Il y en a même où il y a 50% de logements dits sociaux. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on met dans ces catégories-là. Mais donc, ça veut dire que votre maîtrise publique et la possibilité de donner accès à des gens qui n'ont pas les moyens se réduit à 4% du marché du logement. Or, 30% des Bruxellois sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc soyons clairs, ce sont encore les pauvres qui vont payer les riches pour venir squatter dans nos quartiers et en nous imposant leurs lois. Bah, quelque part, oui, ce que Mathieu disait, c'est de l'argent. On va plus vite. Exactement. Donc c'est encore nous qui payons la thune publique. Ceux qui viennent nous marcher dessus. Bon, alors là, ce n'est pas des riches, c'est ce qu'on appelle la fameuse classe intermédiaire. C'est la région. C'est qui le propriétaire de ce truc? Ah ben, ça veut dire que le terrain il est devenu public. Si CityDev intervient, c'est que le terrain est public. Donc non, en fait, c'est public. Alors ça veut dire moi aussi, je peux y aller, je le prends. Il y a qui derrière? Quand on dit public, c'est l'État ou la région. Ah, mais c'est bien de le dire. Oui, donc CityDev, c'est la région. Ok. Merci. Donc c'est la région bruxelloise. Et donc CityDev, elle applique la mission que lui confie le gouvernement régional depuis plus de 20 ans. Donc c'est effectivement. Contrôlée par l'exécutif bruxellois et qui exécute la mission pour laquelle elle a été créée. Le rap est organisé. On commence quand la balade, s'il vous plaît? Pourquoi pour ça? On est dedans là. On est en cours, mais bon. Avec toutes les infos, mais ça rend dingue. Hein. Je jure, ça rend dingue. C'est quand même un truc de fou. Moi, ça me rend malade. Le bourgmestre, lui, dit qu'il y a 25% de logements sociaux qui sont construits. Ce qu'Anas me disait, c'est que c'est 17% de logements moyens. Non, enfin, en fait... Ils se vendent de ça, en disant, voilà... Sur les typologies de logements à Anderlecht, c'est sûr qu'on noie complètement le poisson. Après, il n'y a pas qu'Anderlecht qui fait ça. La région le fait, toutes les communes le font. En fait, le bourgmestre d'Anderlecht, il va dire qu'il y a 17% de logements à finalité sociale à Anderlecht. Ce qui est malheureusement exact, mais en même temps, c'est erroné. C'est-à-dire qu'on dit à finalité sociale. Mais à finalité sociale, ça englobe le fameux logement CityDev qui est du racket. Et donc, si tu prends seulement le logement social, là, tu descends à 10%. Bon, alors, ce n'est pas la pire des communes. À Saint-Gilles, il y a seulement 4% pour tout Saint-Gilles. Mais en même temps, 10%, ça reste très faible, surtout si tu vois le revenu moyen de l'Anderlectois. D'ailleurs, si tu prends à Saint-Gilles ou sur Kerugem, j'avais regardé en fait le prix, le loyer médian, tu vois, moyen, etc. Tu vas dire, à Oudergem, il est à 900 euros. Ici, il est à 622 euros. Mais donc, ton loyer médian, il va être 34% moins cher ici, mais ton revenu, lui, il est 75% moins élevé. Donc vraiment, t'as un truc comme ça d'inégalité sociale énorme. Et donc, les communes vont dire, oui, mais on a quand même autant de logements, et tout le monde va rentrer dans la guerre. Et puis en plus, dedans, ils mettent tous les logements publics. Mais il faut savoir que le CityDev, après 20 ans, celui qui a acquis ce logement-là, il le remet sur le marché privé. Donc à un moment donné, il n'est même plus public. Ça devient du logement privé pur jus. Et donc, dans le quartier ici, si vous regardez, il y a quasi que du CityDev. Et donc là, je vais en venir. Martin m'avait demandé de parler le fameux plan d'aménagement directeur. Donc, à un moment donné, il y avait quand même pas mal... Donc, grâce notamment à la mobilisation d'habitants, de comités de quartier, de groupes, d'associations et tout, il y a plein de gros projets immobiliers qui ont été freinés en région bruxelloise. Ça fait chier la région bruxelloise. Qu'est-ce que fait la région bruxelloise? Elle adopte le PAD, le plan d'aménagement directeur. En fait, pourquoi? Parce qu'un plan comme ça, il permet de déroger à toutes les normes urbanistiques. Donc, la région s'est dotée d'un plan. Normalement, quand on dit que vous faites de la bonne gouvernance, vous avez une hiérarchie dans les normes. Il y a une norme tout en haut qui dit ce qu'il faut faire. Et puis, toutes les normes qui sont en-dessus doivent obéir à la norme supérieure. Et donc, en région bruxelloise, la norme supérieure, c'est ce qu'on appelle le plan régional d'affectation du sol, qui dit où vous pouvez construire du bureau, du logement, du commerce, où vous mettez de l'industrie urbaine, tout ça. Eh bien, la région, à un moment donné, elle-même, elle s'est dotée de l'outil qui permet de déroger à toutes les normes qu'elle a elle-même créées. Ça, c'est le PAD. Alors, il y a plein de PAD. Il y a commencé à avoir des PAD partout, et ça depuis 2018. Et notamment, il y a un PAD ici, là où on est. Un PAD qui va jusqu'au tunnel des vétérinaires, la rue des vétérinaires, et qui va là quasi jusqu'au boulevard de Ceinture. Donc là, on est en plein milieu du PAD, pardon Isabelle. Et ce PAD, quand on regarde, soi-disant, la région, pour faire avaler la sauce, elle va l'appeler gare habitante. Pour dire, elle a dit, oui, on reconnaît, on s'est gouré. Pendant des années, on a construit trop de bureaux dans le quartier. C'est elle, elle expropriait des gens et tout, pour construire du bureau. Et donc, là, on est dans les années 90, début des années 2000. Et puis, en 2020, elle dit, c'est vrai, on a construit trop de bureaux. Ici, dans le quartier, il y a 72% de bureaux et 12% de logements. Et donc, maintenant, elle dit, bon, on va arrêter avec le bureau, on va même démolir du bureau. Et donc, elle dit, notamment, on va démolir ça. On pourrait démolir ça. C'est vrai, c'était une erreur, ça fait une frontière entre les deux communes. Hein, tu disais, c'est la frontière entre Saint-Gilles et Anderlecht. ben la frontière, elle est là, et on a mis une belle barre, etc. Ah, c'était une erreur, et donc ce bâtiment qui date de 2004, dans le PAD, on dit, ah, ben, on pourrait démolir ce bureau qui est occupé, qui fonctionne, c'est de la fonction publique, etc. Après, l'architecture, on aime, on n'aime pas, là. Et à la place, dans les plans, on voit des tours qui seraient des tours de logement et qui pourraient aller jusqu'à 100 mètres de haut. Donc ça, c'est une façon, soi-disant, de corriger les erreurs du passé et de dire que désormais, nous sommes ici dans un quartier de gare habitante. Alors en plus, si on épluche un peu et qu'on regarde mais quel type de logement ils veulent construire, en fait, il n'y avait pas la garantie d'un seul % de logements sociaux. Zéro. Le seul logement qui était prévu, à votre avis, c'était quoi ? CityDev. Bon, voilà. Alors, la bonne et mauvaise nouvelle en même temps. Donc, il y a un comité de quartier nouveau qui s'est constitué, qui est très actif, dont Théo fait partie, qui s'appelle Midi Moins Une, qui a commencé à alerter par rapport à ça. En fait, en même temps, souvent, derrière, tu regardes, les gens, on n'est pas très nombreux, mais ce comité est parvenu à faire quand même parler beaucoup en négatif du PAD. Il y a eu pétitions, interpellations, trucs presse, des balades dans le quartier, des petites vidéos qui ont eu un effet viral qui s'appelle la muraille du Midi pour le centre de Tripostale. Bref, toujours est-il que ce PAD a commencé à avoir très très mauvaise presse. Récemment, la région bruxelloise a annoncé, c'était il y a un mois, le PAD, on va le mettre au frigo. Bah alors après, on sait qu'on doit rester méfiant parce que bon, voilà, on dit le PAD, on va le mettre au frigo. Après, ils ont dit qu'on a dévoilé un peu plus de choses. Ils ont dit oui, et on prévoira 25% de logements assimilés au logement social, ce qui n'est pas le logement à finalité sociale, désolé, voilà. Où là, c'est vraiment quand même du logement qui est à tarif social. Donc en soi, c'est des bonnes nouvelles, mais après, est-ce que vraiment ils vont le faire ? On a l'impression qu'ils essayent de calmer le jeu, parce qu'ils voient évidemment qu'il y a beaucoup de contestations. Et quelque part, donc voilà, pour le moment, ils ont stoppé le PAD, mais ils se sont dotés, comment ils ont appelé ça, de balises. Le gouvernement a décidé de se doter de balises, et nous suivrons ces balises. Le problème, tu peux demander à tout le monde. J'ai demandé à la commune de Saint-Gilles, personne ne sait c'est quoi ces fameuses balises. À part Rudy Vervoort, je ne sais pas qui c'est, donc qui est le ministre-président de la région bruxelloise, ce que sont les fameuses balises qui seraient censées désormais cadrer le quartier. Bon, voilà, on va s'arrêter ici. Bon, je ne sais pas, voilà, si vous avez des remarques, des réflexions, oui. Des questions. Donc ils ont changé le plan là de le démolir. Ah oui, oui, alors et ça aussi, dans l'annonce du PAD mis au frigo, parce que ça aussi, les gens, c'était tellement gros. Tu venais, ça c'était facile, hein. Tu venais avec un journaliste ici, tu lui montrais ça, il a... Bon, voilà, il y a des trucs qui choquent, alors qu'en réalité, t'as de la misère sociale et tout ce que tu veux, mais ça va plus choquer la presse. Et du coup, Rudy Vervoort a annoncé qu'on ne touchait pas à ça, que ça tombait aussi à l'eau. Tes bureaux. Oui, merci. Donc voilà, il y a plusieurs trucs qui sont tombés à l'eau, et c'est là qu'il a annoncé aussi que Victor, qui entre-temps a été rebaptisé Move Up, donc ça aussi c'est une technique. Voilà, il change de nom parce que Victor a eu beaucoup, si tu mets Victor dans Google, tu vas avoir plein de critiques, tu vois. Et donc hop, on change de nom et comme ça on efface la critique. Pour le projet Key West, que certains connaissent aussi, ils ont fait la même chose, à un moment donné ils l'ont appelé Arrive. Et comme ça, si tu vas après, la critique disparaît avec. Et donc Victor a été rebaptisé Move Up, dans le même temps a été raboté de la moitié. C'est du mix bureau et logement. Bon, après, l'affaire est toujours pas terminée. Les habitants du quartier, bon, alors quand je dis les habitants, évidemment, c'est ceux qu'on connaît, mais bon, en tout cas, ce qu'on entend beaucoup dire, mais pourquoi pas faire un parc à cet endroit-là, parce que quand tu sors d'une gare ici, c'est tellement dense. Il faut savoir que Kuregem, c'est une densité 5 fois plus importante que la moyenne en région bruxelloise, et que tant pour les habitants que quand tu arrives, bon, voilà, à cet endroit-là, ils trouveraient plutôt intéressant d'avoir un parc des mix bureaux et logements. On bouge. Non, ça va. On marche un peu pour se réchauffer. Oui, voilà, c'est ça. Attention. Quoi? Ah, bien. Pardon, dans les logements sociaux, les logements qui appartiennent à la. Qui sont loués via les agences sociales. On va en parler. Sont compris aussi. Hein. Oui, on va en parler. En fait, quand tu dis logement à finalité sociale, ouais. Tu vois, avant on disait clairement logements sociaux, logements CityDev et tout. Et dans à finalité sociale, c'est tout le logement où il y a une intervention des pouvoirs publics. Et donc, les AIF interviennent dedans aussi. Ça va ? Oui. Vous comprenez bien tout ce que dit Claire ? C'est un gros paquet, une grosse matière, hein ? Oui, oui. Avec plein de noms à retenir. C'est une encyclopédie vivante. Oui, oui, oui, mais... oui, c'est elle, oui, sûrement, mais nous... De déjà comprendre tout ce qui se joue. C'est intéressant. Je comprends. Je travaille ici, donc ce qu'elle dit, je reconnais des choses. Donc, c'est quoi comme travail que vous faites ? Je travaille dans un service public, donc un bureau. Administration ? Oui, dans l'administration. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Hein. Parce que moi, j'aime bien comprendre. Mais non, mais c'est vrai. Et donc là, on marche dans Anderlecht. Avenue Paul-Henri Spaak. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 personnes, quoi. Avenue Clémenceau. En fait, c'était sur le CRU que les gens... Parce qu'il y a eu un avis. Oui, ça attend à l'enquête publique. C'est ça qu'ils demandaient dans le groupe. Oui, mais le... Il y a des réunions qui arrivent. Ben, le jour de la grève générale. Et puis, assemblée générale. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de... Pour un mois après, tu m'envoies les documents. Mais c'est ça, tu peux poser des questions. Tu dis ? C'est une radio alternative. Ah, d'accord. Vous parlez de quoi, en fait ? On parle du quartier et de la gentrification. Ah, d'accord. Ouais, je vois. Vas-y, c'est quoi ? Non, c'est bien. C'est quoi, la gentrification ? Et pour surveiller notre quartier, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bien dit. Il est éveillé, monsieur. Il est quoi ? Il est éveillé. Il connaît tout. Hein. Ah ouais, non, mais c'est bien dit. C'est bien dit, les gars. C'est bien dit. Enfin, la radio. Envie de dire quelque chose ? Non, non, non, ça va. Sinon, ça va. On est là, on est calme. Bon. Vous buvez un coup. Ça, c'est juste, Juste pour le plaisir. On est là, on prend tout, des petits riens comme ça. Pour le plaisir, on prend... Tranquille, quoi. On est samedi. À Allez. Plus, les gars. Merci. Ah ouais, c'est ça. Je suis con. Bonjour. Bonjour. Ah, je règle mal mon micro, c'est chiant. Il y a quoi de mal à te demander, tu les connais ? Ça va sinon ? Parce que sinon j'ai des blancs dans mon truc, hein, alors je parle avec les gens, moi. Tu dois faire une émission de 3 heures. Ah ouais, sérieux, je vais le faire. Hein. C'est toujours chouette d'entendre un sujet profondément. C'est Radio Campus Bruxelles. Ah, ok. Bah après, il y a un site internet où tu peux aller réécouter. Je donnerai une carte aux gens. Mais par Théo. Ok. Et quoi, toi, tu es de Anderlecht ? Non, je suis venu de Leuven. Je connais Théo. Waouh ! T'as pris le train et tout, alors ? Oui. Mais je travaille dans le chemin de fer à Bruxelles. Et je fais une éducation pour l'enseignement à Bruxelles aussi. Donc, voilà. De l'éducation, c'est ça que tu as dit ? Oui, je vais changer, je vais donner cours. Donc, tu vas changer de boulot ? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu viens aujourd'hui ? Je connais Théo et... Ah oui, tu avais envie du coup ? Des actions citoyennes à Bruxelles. D'accord. Et quoi, ça t'intéresse du coup le quartier, les quartiers, comment on en parle ici ? Oui, mais je suis géographe aussi. Donc j'ai fait des études sur Bruxelles et sur la géographie, géographie urbaine. Ah ouais ? Ça doit être super intéressant à entendre ça. Bon, on dirait que Claire va de nouveau reparler. C'est parti. Tout le monde est là. Ici, on est au Square Speaker. Mais est-ce que... Oui, Pecker, pas Speaker. Mais connu sous le nom de triangle textile. Je ne sais pas si ça évoque pour certains d'entre vous quelque chose quand on parle du triangle textile. Oui. Là, mon compagnon a habité le quartier, il connaissait le... Donc, il faut savoir qu'il y avait une importante activité textile à Bruxelles. Et notamment à Kureghem, aussi une activité de maroquinerie liée à la présence de l'abattoir. Forcément, tout est lié, le fait qu'il y avait l'abattoir, on récupérait les peaux, le traitement des peaux. Donc dans le quartier, il y avait des tanneries, il y avait la maroquinerie, fabrique de sacs, etc. Et donc les ateliers qui étaient liés à la maroquinerie, certains après, c'est devenu aussi de la confection textile. Et c'est venu se greffer avec l'arrivée assez importante d'une communauté qui est la communauté juive. En fait, cette communauté est arrivée dans le quartier déjà pendant toute la période, comme on peut imaginer, de l'entre-deux-guerres et aussi avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est poursuivi jusqu'au point où dans les années 70, ici, il y avait 80% des commerces, c'était du textile. Alors au début, c'était vraiment de la confection. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu des grossistes en textile. Et donc, ils allaient chercher notamment au Sentier à Paris, le quartier du Sentier à Paris, où là aussi, il y avait énormément de grossistes textiles. Et notamment, grâce à la présence de la gare du Midi, mais pas que, aussi par camion, acheminer ici, en gros, toute une série. Et donc, c'était devenu un quartier de la mode. Et dans les années 70, il y a eu toute une lutte entre la commune d'Anderlecht et cette communauté qui défendait son activité. Parce qu'Anderlecht avait un projet plus prestigieux au boulevard Papsem et voulait créer là un grand centre de la confection. Et donc les grossistes en textile ici se sont regroupés. Ils ont créé le comité Triangle. Et la commune, au départ, avait dit « Ah oui, on ne peut pas avoir plus de 10% de la même activité ». Dans le quartier, et comme eux, ils étaient beaucoup plus nombreux, c'était une façon. Donc on voit que parfois, à l'aide de plans, donc la commune adoptait ce qu'on appelle un PPS, un plan particulier d'affectation du sol, où elle imposait cette règle de 10%. Et si ce truc-là passait, ben, en fait, ça fait loi, quoi, tu vois. Donc ils avaient plus qu'à déménager et à déguerpir. Donc il y a eu une grosse bataille qu'ils ont gagnée dans les années 70. C'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, quand vous voyez ici dans le quartier, donc tous ces magasins de mode, etc., ce sont des grossistes. D'ailleurs, la plupart du temps, bon, il n'y a vraiment rien, mais a priori, ils ne vendent pas aux particuliers. Par contre, vous voyez bien que ce n'est plus enfin, si vous vous y adressez, c'est plus la communauté juive qui tient ce commerce aujourd'hui, c'est essentiellement la communauté chinoise et pakistanaise. Et ce n'est plus que du textile, c'est du textile, mais vous voyez aussi beaucoup tout ce qui est lié à la mode, des bijoux, des bonnets, des accessoires, des ceintures, et aussi tout le petit matériel électronique qui, lui, vient aussi, donc c'est de Chine et du Pakistan. Et on voit souvent comme ça dans le quartier, que ça soit ici, dans ce qu'on appelle le triangle textile, mais on le verra à Evart, on peut le voir aussi autour des abattoirs. Souvent, le quartier s'est reconfiguré, a évolué, a changé, mais en fait, parle du dynamisme économique qui vient des communautés qui sont ici présentes. Je ne sais pas si certains d'entre vous passent Chaussée de Mons. En fait, Bert, tu peux en parler, parce que toi, tu as vraiment connu cette période, la transformation de la Chaussée de Mons. Parce que toi, tu as pu en connaître il y a 20 ans et maintenant. En général, ici, quand il y a une crise quelque part dans le monde, ben juste après, on est mis au courant. On voit arriver des gens. Donc ici, c'est la Chaussée de Mons. C'est clair qu'il y a une dizaine d'années, elle était commercialement parlant pratiquement morte. En tout cas, tout le tronçon entre la porte d'Anderlecht et les abattoirs. Après, il n'y a plus grand-chose. Donc là, c'est les Syriens qui sont arrivés et qui ont ouvert tout plein de restaurants, de magasins d'alimentation, de boucheries, de toutes sortes. Voilà. Donc, mais ça, on verra quand on passera. Donc, quand on passait la nuit, Chaussée de Mons, c'était mort. Maintenant, il y a une vie nocturne, il y a une vie... Enfin, c'est assez dynamique, si on peut dire. Donc, c'est la caractéristique de Kurugem, en général, c'est d'être un quartier d'accueil et d'accueillir toutes les vagues d'immigration. Donc, voilà. Voilà, à plein d'endroits ici, on voit que c'est des communautés qui prennent de diverses, qui prennent en charge en fait les choses, et régulièrement la commune essaye de venir les embêter. Donc, comme ça s'est passé ici dans les années 70, mais encore récemment, la commune est venue un peu embêter les grossistes en textile dans un contexte qui a un peu bouleversé le quartier, parce que bon, tout le monde sait qu'il y a eu le confinement. En 2020, et sans doute vous avez tous entendu parler du décès d'Adil. Donc Adil, c'est un jeune du quartier, mais pas de ce quartier-ci, c'est un jeune de Kurugem, de l'assassinat d'Adil, qui venait du Square Albert. C'est les barres de logements sociaux qui sont plus proches de Bistebrook. Il est décédé suite à une course-poursuite assez... malmené. Et très étrangement, donc à ce moment-là, on a entendu le collège de la commune d'Anderlecht évoquer la difficulté dans des quartiers populaires où les gens s'entassent dans des mauvaises conditions, dans le logement. Tout d'un coup, ils ont dit « Ah oui, il faudrait avoir une meilleure qualité d'espace public. » Et ça arrivait vraiment, je crois... Deux semaines après le décès d'Adil, on a vu apparaître ici, mais alors je vous dis, Adil, sa famille, etc., ils sont au Square Albert, ils ne sont pas ici. Or, c'est ici qu'on a vu un changement. Un beau matin, moi je passe pour aller à mon travail, j'arrive et je vois des grands pots, des grands bacs, etc., qui sont un peu éparpillés ici autour de la voirie et qui bloquent le passage des véhicules, qui bloquent le passage des camionnettes, des voitures, des camions. Et du coup, qui bloquent aussi le passage pour les livraisons des grossistes. Sans aucune négociation, sans aucun dialogue préalable. Et donc, Suzanne Muller, l'échevine de la mobilité de la commune, se retrouve interpellée assez rapidement, notamment par les grossistes, aussi par le PTB, par différents habitants sur ce qui est en train de se passer. Et donc, elle dit, ça fait un moment que j'y pensais, qu'il fallait réorganiser la mobilité dans ce quartier très dense, où il y a une mobilité assez complexe. Et c'était l'occasion, puisqu'effectivement, on a constaté, suite au décès d'Adil, qu'il fallait absolument faire quelque chose pour le quartier. Voilà, parce que je suis habitante, là j'ai assisté aux émeutes, etc. J'habite là-bas. C'est aussi très propre au confinement et à la crise Covid. Donc il y a eu l'assassinat d'Adil, il y avait le traumatisme Covid, donc ça a été vraiment installé dans un moment très critique et très difficile pour les riverains. Et c'était jusqu'à la rue de la clinique, le début de la rue de la clinique au niveau de la place du Conseil.